Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 27e émission, nous avons le plaisir d'accueillir André Pertusio. André Pertusio, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un résistant français de la première heure. Vous avez participé, avez même été l'un des initiateurs de la manifestation du 11 novembre 1940, la première manifestation parisienne de résistance à l'occupant allemand. Vous étiez alors étudiant à Sciences Po, membre de l'Action française et de la Corpo de droit. Et j'étais président de la Corpo de droit, oui. Vous avez eu ensuite un parcours très riche. Vous avez été consultant pétrolier international, ancien conseiller juridique pour l'énergie à la Banque mondiale. Alors, avant de revenir sur votre histoire, Monsieur Pertusio, laissez-moi indiquer à nos auditeurs que, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour à tous. André Pertusio, vous l'avez remarqué, nous sommes deux jeunes gens. La première question qui me vient, c'est: dans quelle France avez-vous grandi ? J'ai grandi dans une France que les Français d'aujourd'hui ont peine à imaginer. C'est-à-dire une France française, une France patriote et une France où la liberté d'expression était totale. Et tout cela fait un changement avec la France actuelle, en dehors du changement de génération et des manières de vivre, évidemment. Vous comprenez, comme je l'ai déjà expliqué à des jeunes gens maintes fois, ils vivent dans un pays où l'information est surabondante, où il y a la télévision, les ordinateurs, les téléphones portables, etc. Et j'ai vécu dans une France où tout cela était absolument inconnu. Dans une France où tout le monde n'avait pas le téléphone et tout le monde n'avait pas la radio. Ce qui fait que les informations étaient données essentiellement par la presse, qui était beaucoup plus développée qu'aujourd'hui. Il y avait par exemple une vingtaine de quotidiens en France, de l'extrême gauche à l'extrême droite, que je consultais notamment dans la salle des journaux, une salle spéciale, non pas de l'école libre des sciences politiques, où j'étais alors. Et cette presse était plus libre qu'aujourd'hui alors ? Ah, la presse était totalement libre. Vous pouviez écrire n'importe quoi. Il n'était pas question des sujets tabous, ou des expressions tabous, et de ce que j'appelle l'information balisée, qui est celle d'aujourd'hui. Ou quand on sort, pas, si j'ose ainsi m'exprimer, du chemin balisé, eh bien, on est accusé de déraper. Donc c'était un pays tout de même assez différent de celui dans lequel nous vivons. Un pays plus libre. Plus libre, très certainement. Parce que lorsque vous n'êtes pas en totale liberté de vous exprimer, vous êtes quand même moins libre. Il y a comme une espèce de manière de penser et qui est inculquée aux Français, je dois le dire, depuis 70 ans à peu près. Pour des raisons d'ordre essentiellement politique et idéologique, plus qu'autre chose. Monsieur Pertusio, vous êtes étudiant lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Très rapidement, c'est la débâcle. Les forces allemandes percent les lignes de défense françaises, au point même qu'en juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Comment avez-vous vécu cette période ? Bon, il faut quand même revenir sur cette guerre. Et il faut remonter, je crois, à l'armistice du 11 novembre 1918. Parce que, vous savez, j'ai comparé l'histoire un jour avec mon ami, l'historien français Georges Dreyfus. Je lui ai dit que l'histoire était comme un pullover. C'est-à-dire que chaque maille n'existe qu'en fonction de la maille qui l'a précédée. Et l'histoire, c'est tout à fait cela. Et c'est la raison pour laquelle, je fais ici un petit aparté, l'histoire est si difficile à enseigner et à concevoir. Parce que d'abord, elle est très complexe et qu'il faut tenir compte d'un très grand nombre de facteurs et d'éléments. Deuxièmement, parce que l'on a tendance à juger des événements passés à la lumière de la manière de vivre, de la mentalité d'aujourd'hui. Et par conséquent, tout cela est beaucoup plus... n'est pas facile. Parce que même les gens de bonne foi sont, ne peuvent pas oublier ce qu'ils savent. Et nous savons, nous, ce qui s'est passé depuis l'époque dont on parle. Alors qu'à l'époque, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Alors, je prends par exemple l'exemple de la dernière guerre, puisque vous m'en parlez, de la Deuxième Guerre mondiale. On prend des positions aujourd'hui, pour ceci, pour cela, etc. Mais sans se rendre compte qu'en 1940, personne ne savait ce qui allait se passer par la suite. Maintenant, nous avons un gros avantage, nous savons tout ce qui s'est passé. Par conséquent, cela, indiscutablement, imprègne notre manière de penser, notre discours à propos de cette période. Alors, j'ai dit qu'on remontait en 11 novembre 1918, parce qu'il faut remonter là. Nous avons, à cette époque, accordé un armistice à l'Allemagne. Or, cet armistice a été signé par deux civils qui représentaient un gouvernement, j'allais dire révolutionnaire, puisque le Kaiser avait été détrôné, et sans aucune participation de l'armée, d'un représentant de l'armée du grand état-major. Ce qui fait que l'armée allemande a évacué les territoires occupés, sans qu'on les y oblige, mais simplement en raison, on n'a pas du papier qui venait d'être signé, et ils sont rentrés chez eux, musique et drapeau en tête. Ce qui a facilité la propagande hitlérienne, selon laquelle l'Allemagne n'a jamais été vaincue, mais que tout simplement, elle était trahie. Et dans le discours hitlérien, bien entendu, elle était trahie par les Juifs, et notamment Walter Rathenau qui était assassiné, etc. Voilà. C'est ce qui s'est appelé le coup de poignard dans le dos. Oui, une sorte de coup de poignard dans le dos. Mais ça nourrit la propagande hitlérienne avec un peuple persuadé qu'il n'avait pas perdu la guerre, qu'il ne l'avait perdue qu'en raison de la trahison. Par-dessus le marché, nous avons signé un armistice sous la pression des puissances anglo-saxonnes et Clémenceau y a consenti parce que tout de même les sacrifices déjà consentis par la France étaient énormes. La France a subi une saignée considérable, 1,5 million de morts sans compter les blessés. Il n'y a pratiquement pas de village de France qui n'ait son monument aux morts. Or, la natalité française était déjà en déclin depuis très longtemps. Et je crois que la France ne s'en est jamais vraiment relevée et du point de vue démographique. J'ai lu dans la Nouvelle Revue d'Histoire l'année dernière un excellent article, enfin une série d'articles, sur ce qu'ils appellent l'étrange défaite, celle de 1940. Où ils disent très clairement que la France n'était pas, en 1939, prête à faire la guerre, ni moralement, ni industriellement, ni militairement, ni surtout démographiquement. Et la France n'était pas équipée pour faire une nouvelle guerre après être restée exsangue, si j'ose dire, après la guerre qu'elle a gagnée en 1918. Alors André Pertusio, malgré tout, en 1939-1940, la France est réputée avoir la plus grande et la meilleure armée du monde. Nous vivions, justement, les jeunes de ma génération, on baignait dans cette atmosphère, parce que nos pères avaient gagné la Grande Guerre. Nous étions vraiment de nouveau la grande nation. L'armée française était réputée la meilleure armée du monde. Nous étions fiers d'être français. Nous avions le deuxième empire du monde sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Et cela a pénétré évidemment les mentalités des jeunes Français, ce qui explique l'effondrement de notre univers, comme l'appelait notre ami, nom m'échappe, et qui a été blessé le 11 novembre 1940, et qui ensuite était le chef de cabinet de Gaulle. Et qui nous disait, en effet, ce fut l'effondrement de notre univers. Quelque chose de si soudain, de si absolu, et cela était un des ingrédients qui ont créé la mentalité des jeunes, précisément le 11 novembre 1940, lorsqu'on leur a interdit d'aller à l'Arc de Triomphe fêter les morts français en le fleurissant. Voilà. Et concrètement, M. Pertusio, comment se passait cette occupation allemande au quotidien ? Là, c'est très difficile à dire pour une raison très très simple, que tous les Français n'ont pas vécu cette période de la même façon. D'abord, parce qu'il y avait ceux qui étaient en zone libre, c'est-à-dire en France, tout de même, et puis ceux qui étaient dans la zone occupée. Et la zone occupée représentait quand même les 3/5, ne l'oublions pas. Et bon, ensuite, après l'invasion de la zone libre par les Allemands, toute la France a été occupée, encore que la zone libre est restée sur le plan, comment dirais-je, administratif, sur le plan gouvernemental, quand même la France. Alors que la France occupée était quand même soumise d'abord aux autorités d'occupation. Il faut quand même aussi se souvenir que selon les conventions de la Haye, la police d'un pays occupé est tenue d'obéir aux autorités d'occupation. On l'oublie un petit peu trop souvent. Alors, justement, pour revenir à votre cas personnel, comment vivez-vous d'abord la débâcle de l'armée française, de ce moment-là, donc de cette débâcle de l'armée française jusqu'à ce fameux 11 novembre 1940 où vous prenez l'initiative, en tant que président de la Corpo de droit, d'aller défier la consigne de l'occupant de ne pas commémorer l'armistice? Oui, repartons un petit peu en arrière. La guerre a été déclarée au début de septembre, de septembre 1939. Elle a été déclarée à la suite de la déclaration de guerre de l'Angleterre. Celle de la France a suivi dans l'après-midi, à la suite de la crise polonaise, de l'affaire de Danzig, et de la garantie donnée à la Pologne, qui à ce moment-là était en discussion avec l'Allemagne, sur l'affaire de Danzig, n'a pas eu du corridor, parce que le 15 mars 1939, Hitler a occupé la Tchécoslovaquie. Alors que les accords avec l'Angleterre, signés en marge des accords de Munich en 1938, étaient un accord entre Chamberlain et Hitler qui a été violé, non pas carrément, par ce dernier. Et avec la garantie de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, les Polonais ont offert une résistance beaucoup plus grande à Hitler, et qui a envahi la Pologne, n'est pas entendu. Et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il eut fallu attaquer l'Allemagne, alors que l'armée allemande était occupée en Pologne. Au lieu de cela, mon Dieu, nous n'avons rien fait. Je ne sais pas si le gouvernement espérait ne pas avoir à faire cette guerre. J'ignore totalement qu'est-ce qu'ils attendaient. En tout cas, nous n'avons rien fait jusqu'au mois de mai 1940, et nous avons laissé l'initiative à l'ennemi. Et le 10 mai 1940, ça a été l'attaque allemande et la défaite en quelques semaines, qui a plongé les Français, il faut bien le dire, dans la stupeur et le désarroi. Ils ne s'attendaient pas à cela. Et la stupeur et le désarroi étaient également le fait des dirigeants. Et d'ailleurs, le désarroi était tellement grand que je crois que c'était le 24 mai, je n'en suis pas sûr, peut-être était-ce le 25, le gouvernement est allé encore constituer, prier à Notre-Dame, le Seigneur, pour qu'il épargne la France. Ça, personne n'en parle jamais, mais c'est tout de même symptomatique de la part de gens qui étaient plutôt des francs-maçons ou des agnostiques, n'est-ce pas, d'avoir le dernier recours. De s'en remettre au Seigneur. Le recours, c'était Dieu. Et donc, la débâcle arrive, vous êtes à Paris, vous êtes jeune étudiant. J'étais étudiant à ce moment-là, j'étais en deuxième année de droit. Et comme mon père habitait Casablanca, je suis parti le 12 juin 1940 avec ma mère. Nous avons mis 4 jours pour arriver à Bordeaux. Et malheureusement, il n'y avait plus de bateau. Pour aller de Bordeaux à Casablanca, il fallait aller s'embarquer à Marseille. Et entre-temps, l'armistice était signé, la ligne de démarcation imposée. Et donc, je suis resté à Bordeaux pendant un mois, en espérant trouver un moyen d'aller. Et puis finalement, nous sommes rentrés à Paris au début du mois d'août, où j'ai trouvé mes examens de deuxième année quelques jours après. Et donc, je suis resté à Paris. Et quelques jours après, nous avons refait un comité de la Corpo de droit. Et il se trouve qu'on m'a élu président de la Corpo à ce moment-là. Voilà. Et alors, à cette époque, vous êtes maurassien. Vous êtes à l'Action française. Et je n'avais pas adhéré à l'Action française sur le plan politique. Je n'ai jamais été, comme on dit, comme l'eau du roi. Mais j'étais maurassien d'idées. Pour vous donner un simple exemple, lorsque je suis parti de Paris avec une petite valise, donc le 12 juin, j'avais 4 livres. Il y avait, je ne me souviens pas quels étaient les 4, mais il y en avait 2. Il y avait l'éthique de Spinoza, parce qu'à l'époque j'étais très intéressé, et mes idées politiques de Charles Maurras. Et car j'ai toujours été d'idées maurassiennes. Et au point politique, ben mon Dieu, moi j'ai commencé à m'intéresser à la politique à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire en 1936. En 1936, qui a été une année très riche en événements politiques, et il y a eu l'occupation de la rive gauche du Rhin par l'Allemagne, sans réaction française. Il y a eu le Front populaire, il y a eu le début de la guerre d'Espagne, enfin bref. Et à ce moment-là, bah, se sont formées chez moi mes tendances et idées politiques. J'étais à cette époque assez proche des croix de feu, pour deux raisons. D'abord parce que les croix de feu, c'était, bon, ça évoquait la Grande Guerre, la victoire française, etc. Et aussi parce que l'un de nos sujets d'admiration de la jeunesse de l'époque, c'était Jean Mermoz. Jean Mermoz, le fameux aviateur, et qui se trouvait être vice-président des croix de feu. Voilà, à partir de là, bon, une trajectoire, pas politique proprement dit, parce que je n'ai jamais fait de militantisme politique, mais je suis resté dans une certaine vision de la politique, proche de l'Action française, proche de la droite, des croix de feu, etc. Voilà. Et donc, le 11 novembre 1940, vous participez à cette manifestation interdite ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'idée vous est venue de participer à cette manifestation et comment elle s'est organisée ? Organiser n'est pas le mot juste, parce que il y a eu un certain nombre d'initiatives, les unes concertées, les autres qui ne l'étaient pas. À l'intérieur même de la faculté de droit, il y a eu à la faculté de droit, avec certains dont Alain Griotre, qui est devenu plus tard un ami, et puis la Corpo, parce que tous les étudiants en droit n'étaient pas membres de la Corpo. Et de bouche à oreille, nous sommes dus les uns et les autres, quand est parue la circulaire du recteur interdisant, suivant les ordres des autorités d'occupation, que les manifestations, la libération du soldat inconnu, lui, était interdite. Eh bien, c'était une réaction de toute la jeunesse, la faculté des lettres également, dont le président de la Corpo des lettres était d'ailleurs François de Lescure, qui était le père de Pierre Lescure. Je parle, j'ai dit, je crois que la particule est tombée à la Libération. Et alors, nous avons donc imprimé des tracts. On les renéotypait à l'époque, on les a distribués partout, etc. Et il se trouve que les lycéens, eux, dans leur lycée, faisaient la même chose. Pour eux, c'était plus facile, parce qu'un lycée, c'est quelque chose qui est fermé, on peut organiser. Ce qui fait que les premières colonnes de manifestants sont arrivées à 4h de l'après-midi. C'était celle de Jean Chancey, qui était emmené par celui qui deviendra plus tard le président de l'association des résistants du 11 novembre 1940, qui s'appelait Igor de Chotten, et qui est mort il y a malheureusement quelques années. Et à partir de ce moment-là, c'était cette manifestation qui a dépassé ce que nous anticipions. Moi-même, je me suis frayé un chemin sur les Champs-Élysées sans jamais pouvoir aboutir à l'Arc de Triomphe, car à ce moment-là, les Allemands, tous les Allemands sont arrivés pour nous en empêcher, et avec leurs voitures, essayant de nous regrouper vers le centre des Champs-Élysées, alors que nous essayons évidemment de nous échapper par les côtés. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'échapper avec la plupart de mes amis. Mais 125 des nôtres ont été arrêtés et ont passé environ 3 semaines ou peut-être un petit peu plus à la santé ou au cherche-midi. Alors, quelle était la composition politique de cette jeunesse qui s'est rassemblée ce jour-là sur les Champs-Élysées? Bon, écoutez... Y avait-il beaucoup de gaullistes, comme on pourrait le penser aujourd'hui? Il y avait beaucoup de gaullistes parce que la jeunesse parisienne était gaulliste. Elle était gaulliste, non pas parce qu'on connaissait le De Gaulle, personne ne le connaissait d'ailleurs, mais parce que, bon, il avait affirmé ne pas accepter la défaite, etc. Et ça résonnait dans les oreilles de cette jeunesse, et qui n'avait pas, qui avait été, comment dirais-je, stupéfaite par cette défaite, et qui n'aurait rien sur le coup, je le dis, du chagrin et de l'humiliation. Et nous avons été gaullistes de sentiment, non pas politiquement, mais de sentiment. Car à ce moment-là, le gaullisme ne représentait pas, n'avait pas de poids politique, si j'ose dire. Le terme n'existait même pas. Ben, le terme de résistant, par exemple, a été employé pour la première fois par Maurice Schumann à la radio de Londres, justement à propos de la manifestation du 11 novembre 1940. Et alors, après cette manifestation, bon, outre les arrestations dont je viens de parler, les facultés, bien sûr, ont été fermées pendant 3 semaines, l'interdiction pour les étudiants de circuler au quartier latin, etc., etc. Et j'ai un excellent ami qui était Jean-Ebsen Langevin, qui était un notable résistant, et qui était un homme de ressources, et qui connaissait un marchand de, je ne sais pas, de tout un tas de choses, de vin, de spiritueux, de café, qui nous a fait des papiers de représentants en succédanée de café. Parce qu'à l'époque, il n'y avait déjà plus de café. Et alors, j'ai essayé, pour la forme, de vendre du succédané de café. Dans certains cafés, je ne suis pas arrivé à vendre un seul paquet. C'est vous dire quel bon vendeur j'étais. Simplement, ça nous permettait d'aller au quartier latin. Parce que nous avions un contrat de travail, nous n'étions pas des étudiants purs. Ce qui me faisait que nous avions toujours des amis qui étaient arrêtés, des copains qui étaient arrêtés, qui étaient au commissariat du 5e. Alors j'allais voir le doyen, qui était M. Gidel, professeur de droit international, pour lui demander d'intervenir pour faire relâcher nos amis. Voilà la petite vie de tous les jours, pas du quartier latin de cette époque, avec une espèce de fureur anti-allemande qui était décuplée, parce que le quartier latin de l'époque, c'était vraiment le quartier latin, avec les facultés, etc., etc. Et en plein quartier latin, il y avait un cinéma de l'armée allemande, un Soldatenkino, qui se trouvait en haut du boulevard Saint-Michel, c'est-à-dire en plein chez nous, et qui excitait. Il y a eu des incidents dans certains cafés, entre des officiers allemands et des étudiants, etc., etc. Et tout cela était un prélude, si vous voulez, à la manifestation. Ben là, les choses se sont, comment dirais-je, mises ensemble, un certain nombre d'éléments pour que la manifestation ait lieu. D'ailleurs, Monsieur Pertusio, est-ce qu'à l'époque, on parlait déjà de nazisme? Est-ce que c'était une guerre idéologique? Absolument pas. Là, je suis formel sur ce point. Le nazisme, aujourd'hui, on parle de la guerre contre le nazisme, c'est faux. Ça, je peux le dire carrément. Moi, j'ai passé toute la guerre à Paris. À Paris, les Allemands, nous avions diverses appellations. Les vieux, enfin les anciens, les appelaient les boches. Nous, les jeunes, nous appelions les Schleux. Et les Français, dans leur immense majorité, les appelaient les Fritz, ou alors des petits noms comme les Fridolin, les Frisés, etc. Je n'ai jamais vu personne entendu les appeler les nazis. C'est à la Libération que j'ai appris que nous avions été occupés par les nazis. Voilà. Parce que ça a été l'idéologisation de la résistance qui a été entreprise lorsque Hitler a envahi l'Union soviétique le 21 juin 1941. Alors, à partir de ce moment-là, si vous voulez, ça a été la lutte anti-nazie. De la même manière, d'ailleurs, que Hitler, de son côté, prétendait faire une croisade anti-bolchevique. Voilà. Et concernant le terme de résistance française, est-ce qu'il y a eu une résistance française ou est-ce que c'est là aussi une réécriture a posteriori de l'histoire ? Il y a eu incontestablement une réécriture de l'histoire. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des mouvements de résistance en France et des réseaux de renseignement surtout, etc. Tout à fait indépendamment de la France libre, on n'a pas de Gaulle. Il n'a pas eu de contact avec les mouvements de résistance intérieure jusqu'à ce qu'il confie le soin de coordonner et, disons le mot, de mettre la main sur ces mouvements de résistance à Jean Moulin. Alors ça s'est passé en 1942. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la réécriture qui a été faite de cette période depuis maintenant plus de 70 ans ? Ce qui me choque, c'est qu'on a fait de cette période une sorte de caricature. C'est un grand résistant qui était André Figueras, qui a été déporté à Buchenwald et qui avait tout de même des titres de résistance considérables, qui a écrit que la création d'une résistance comme un grand bloc imaginaire et idéologique, bien évidemment, a été ce qu'il appelle une des plus grandes escroqueries d'État qu'il ait jamais vues. Je ne sais pas si ses propos étaient un peu exagérés ou pas, mais enfin c'est un fait que la résistance était un fait spontané de beaucoup de groupes, des gens qui ont mis quand même leur peau au service de leurs idées. Et ce sont des gens qui d'ailleurs, pour la plupart, sont restés anonymes, n'est-ce pas, après la guerre. Ils n'ont pas. Je connais peu de personnes, à l'exception de certains hommes politiques, qui ont profité de cette résistance. J'ai notamment très bien connu un qui m'honorait de son amitié, qui était l'ambassadeur Chambon, et qui, lui, a poursuivi sa carrière diplomatique sans aucun avantage particulier, alors qu'il fut un grand résistant. Il était grand officier de la Légion d'honneur. Et il a fait partie, n'a pas de, vraiment de très actif de la résistance. Il était délégué du Conseil national de la résistance. Enfin, et cet homme, eh bien, a porté témoignage des vérités de l'époque. Et il a même écrit un article qui assez sensationnel, qui avait paru, je crois, dans Carrefour, le journal, etc., sur lequel il avait tenu à écrire ses qualités de résistance et même son numéro matricule à Buchenwald, et qui était intitulé « Si Vichy n'avait pas existé », où il rend en quelque sorte une sorte d'hommage au gouvernement du maréchal, qui d'ailleurs, même Léon Blum en convenait, avait fait ce qu'il pouvait avec les moyens dont il disposait. Et moi je cite toujours à ce propos, pour qu'il n'y ait pas quand même d'équivoque, ce qu'on disait Winston Churchill lui-même, puisqu'il disait ceci textuellement: j'ai beaucoup de respect pour le maréchal, personne, pour le maréchal Pétain, personne à sa place ne pourrait faire mieux, il a devant lui une tâche surhumaine, surhumaine vraiment. Alors on a parlé de cette mythification et cette réécriture de l'histoire avec une mythification donc de la résistance dans un premier temps, et puis est arrivée une deuxième vague de réécriture de l'histoire dans les années 80, de gens qui, pour le coup, étaient tous nés après la guerre, et qui ont raconté que toute la France avait collaboré, et que ce qu'on a appelé l'idéologie française avait été la matrice même qui avait conduit au nazisme. Oui, ça c'est une histoire. C'est une histoire assez grotesque. Une histoire dans laquelle on baigne. Dans laquelle nous baignons. C'est une histoire idéologique qui ne tient pas debout. C'est pas vrai. La France, les Français de l'époque, il faut quand même bien dire que dans leur immense majorité, bon mon Dieu, ils ne s'en sont pas trop mal tirés. Alors à part des minorités, des gens persécutés comme les Juifs par exemple, ou comme les résistants bien sûr, les résistants étaient un choix. quand on résistait, ben on risquait forcément quelque chose. Quand, par exemple, moi, je distribuais des journaux clandestins, par exemple, bon, j'ai eu la chance de ne pas faire l'objet, à la sortie du métro, de fouilles, parce que ça existait. Et comme je l'ai toujours dit, il ne fallait pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon, alors, ça a été des mouvements spontanés. Il n'y a pas eu de résistance avec un grand R, comme le disait d'ailleurs Marie-Madeleine Fourcade, qui était le chef du fameux réseau Alliance. Elle disait, le mot de résistance, je ne l'ai connu qu'en 1942. Auparavant, j'avais, et j'ai toujours eu, un réseau de renseignement, qui était directement relié à l'Intelligence Service d'ailleurs. Et donc, à quoi a servi la réécriture de l'histoire, pour faire le lien avec ce que vous parliez au début, justement, le rétrécissement de la liberté. Il y a plusieurs éléments, n'est-ce pas ? Et dans l'histoire, un événement n'est pas le résultat la résultante d'un seul facteur. C'est toujours une association de facteurs qui, à un moment donné, produisent un résultat. Et l'histoire réécrite est telle qu'elle l'a été. Elle l'a été d'abord parce qu'il faut bien reconnaître que la propagande, l'action communiste a été fort bien organisée dès que l'Union soviétique a été envahie par les Allemands. Car jusqu'à cette époque, ils collaboraient plutôt avec l'occupant, en raison mais pas du pacte germano-soviétique, et que le Parti communiste français, bon mon Dieu, suivait les instructions. Bon, il ne faut pas oublier que dès le 15 juin, ou 16 juin, je ne sais pas, Jacques Duclos, qui était le secrétaire général du Parti communiste, est rentré à Paris dans les forums allemands. Avec lui, il y avait Denis Ginolin, Maurice Tréhant, d'autres, etc. Ils sont allés voir le lieutenant Weber, qui était un Allemand, qui commandait la censure allemande, etc., qui a donné l'autorisation de reparaître à l'Humanité. Et le premier numéro était prêt lorsque le préfet Langeron, en vertu des décrets d'Aladier de septembre 1939, a fait arrêter ces gens-là, sauf Duclos, qui lui n'a pas été arrêté. Ils ont été libérés par les Allemands deux jours après. Mais l'autorisation de faire reparaître l'Humanité a été refusée par le gouvernement français. Alors le 25 août 1944, c'est la libération de Paris. Oui. Comment avez-vous vécu cet événement ? Dans la joie. D'accord. Comme vous étiez à Paris. Comme tous les Français. Bien évidemment. C'était une explosion de joie qui a été suivie, il faut bien le dire, en province, notamment dans le sud, par des massacres. On parle d'environ 60 000 Français qui ont été massacrés à cette époque. Là, ça a été des affaires de sordides affaires de règlement de compte politique, notamment, où les ex-républicains espagnols sortis des camps ont joué quand même un rôle assez dramatique. Et donc, ça a été le côté noir, si vous voulez, de cette période. Mais pour le reste des Français, c'était vraiment, bien entendu, la joie de la libération. Il faut bien en avoir conscience. Et je me souviens que lorsque De Gaulle est entré à Paris, c'était, je crois, le 25 août, il a ordonné immédiatement un Tédéum à Notre-Dame. Et bien sûr, je suis allé avec ma femme et mon beau-père, et nous sommes allés donc près de Notre-Dame. Et à ce moment-là, il y a eu des tireurs de toit qui étaient du côté de la préfecture de police, et qui sont mis à tirer. Alors évidemment, tout le monde est allé à se planquer pour éviter des tirs éventuels. De Gaulle imperturbable est allé à Notre-Dame, enfin c'est quand même assez bien passé. Et bon, l'atmosphère était vraiment à la joie, il faut bien le reconnaître. Après 4 ans, c'était une véritable explosion. Et quel souvenir gardez-vous de la période qu'on a appelée l'épuration ? L'épuration était une période très très triste, parce que bien sûr, les intérêts et les passions politiques s'en sont mêlés. Il est bien évident que, bon, on a arrêté des tas de gens qui n'avaient pas collaboré du tout, parce que la collaboration a été très très limitée, et ben, je dois le reconnaître, hein, c'est pas... C'est... Bon, je pense par exemple à un homme comme Sacha Guitry, qu'un groupe de petits jeunes gens mandatés, on ne sait par qui, ou par personne, a été arrêté au saut du lit, et conduit en prison, en pyjama et en pantoufles. Il est resté 2 mois comme ça en prison, sans qu'on ait rien à lui reprocher. Et lorsque le juge d'instruction s'est penché sur son dossier, il n'y avait rien du tout. Et il a même fait paraître une annonce dans le Figaro, ou dans les journaux, enfin le Figaro entre autres, demandant que ceux qui avaient quelque à se plaindre de Sacha Guitry veulent bien le manifester en écrivant au juge d'instruction. D'ailleurs que le dossier était pratiquement vide, bien entendu, il a eu un non-lieu. Mais c'est l'un des exemples, parce que les passions ont été menées à un tel point que dans le sud de la France, l'épuration a été sauvage. Encore, il y a des écrits que je pourrais citer, je préfère ne pas le citer, et parce qu'il y a des choses assez abominables que Jean Giono, par exemple, a rapporté sur ce qui s'est passé dans sa ville, à Manosque, par exemple. Mais ça, c'est de toutes les époques, dans la nature humaine, l'exploitation politique des passions, etc. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le bilan global du général de Gaulle ? Très difficile de parler de bilan global, parce que de Gaulle lui-même était un personnage très complexe. Il y avait chez lui de l'intelligence, du talent politique, de la grandeur, et en même temps, beaucoup de petitesse, et c'est Léon Blum qui le disait, une recherche de pouvoir personnel, de pouvoir, et qui était indiscutable. De Gaulle était un homme qui n'a jamais eu de scrupules dans ce que je peux appeler ses marches vers le pouvoir. Et c'est un personnage très complexe, il y a eu d'ailleurs une étude sur la psychologie, n'est pas de Gaulle, qui était un livre, bon, qui ne lui était pas très favorable, et qui était un livre de, comment s'appelle-t-il, le journaliste de droite qui s'est suicidé. Dominique Vénère. Oui, de Dominique Vénère, c'est une personne, mais oui. Il a écrit un livre qui s'appelle « De Gaulle, la grandeur et le néant », qui est une étude psychologique qui n'est pas fausse. Car De Gaulle est un homme qui s'est toujours identifié à la France et qui a agi vraiment comme s'il était détenteur de ce que j'appelle la vérité et l'intérêt français. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Et il a été victime lui-même en mai 68 d'un concours de circonstances qui n'est pas forcément d'origine française. Marcelin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, a même parlé des origines étrangères de mai 68. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, De Gaulle avait une orientation qui n'était pas pro-américaine. Il avait de l'Europe une autre idée que celle des Américains. Et il voulait faire une Europe, mais centrée autour de la France. Bref, ses intérêts étaient tout à fait opposés. Or, il se trouve qu'il y a eu mai 68. Est-ce une coïncidence ? Vous savez, je crois rarement en coïncidence et en matière historique. Je sais que le hasard a toujours joué un très grand rôle dans l'histoire des hommes, mais le hasard lui-même a des composantes, si vous voyez ce que je veux dire. Et depuis, la France est donc rentrée dans le giron américain. La France est rentrée dans le rang, ça c'est indiscutable. Et il y a eu la phase de réconciliation avec Pompidou, l'entrevue de Reykjavik, etc. Et puis à partir de la présidence de Giscard, ben mon Dieu, nous sommes restés dans le sillage américain, dans l'Europe actuelle, qui a été au fond préparée par les États-Unis depuis 1950, comme dans le sens d'une Europe fédérale, dans le sillage des États-Unis. Voilà, il faut reconnaître les choses comme elles sont. Quel regard portez-vous sur un homme de votre génération qui a été président de la République, qui a partagé jeune vos idées, qui s'appelle François Mitterrand? Mitterrand est un homme qui était fort intelligent. Il a dit une vérité profonde. Il avait, je crois, 5 ans de plus que moi. Et il a déclaré lui-même, qui n'a pas eu 20 ans en 1940 n'a pas le droit d'en parler. Et c'était une manière un petit peu roide de s'exprimer, mais qui n'est pas entièrement fausse. Parce que avoir été témoin de cette période, l'avoir vécu est une chose. La raconter sur la base, n'a pas de livres d'histoire, de relations, de personnes, etc., c'est autre chose. Et je dois dire que moi qui ai vécu toute cette période à l'âge d'homme, eh bien, je ne retrouve pas dans la plupart des ouvrages, l'atmosphère de l'époque. Parce que quand on vit, on sent, si vous voulez, on sent la situation, on sent les choses, et il est très difficile d'avoir ce sentiment lorsque l'on travaille sur documents, comme la plupart, n'a pas des historiens, ou très souvent, soi-disant, historiens. Il y a cependant des ouvrages qui ont été écrits. Par exemple, la grande histoire des Français sous l'occupation d'Henri Amouroux, qui a consulté à peu près 10 000 personnes au moins. Il a fait un ouvrage qui est extrêmement intéressant. Les 10 volumes de la grande histoire des Français sous l'occupation est un des ouvrages qui relate assez bien, sinon complètement, parce que comme je le disais tout à l'heure, la réaction des Français, leur vie a été un petit peu différente selon ce qu'ils étaient, selon leur classe sociale, selon leur origine, par exemple les Juifs bien évidemment, et selon le fait qu'ils avaient choisi de résister ou non. Enfin, la résistance, d'ailleurs, était quand même, il faut bien le dire, assez minoritaire en France. Elle n'est pas répandue comme cela, puisque un homme comme Pompidou, qui était un homme de grande qualité, qui était professeur de lettres à Henri IV pendant la guerre, a avoué qu'il n'avait jamais entendu parler de la résistance. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, mais enfin, c'est comme ça. Et la plupart des Français, ils n'ont pas pensé non plus. Alors, on a créé depuis une espèce de chose. La résistance avec un grand R, la collaboration avec un grand C, on était là, on était là, mais ça n'est pas vrai du tout. Tout est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. La plupart des Français, mon Dieu, il faut bien dire la vérité. Ils ont attendu que ça se passe en essayant de s'en accommoder le mieux possible. Ce n'étaient pas tous des héros, loin de là. Et pour en revenir aux Américains, et pour reparler de François Mitterrand, je crois que François Mitterrand n'était pas tendre avec les Américains. François Mitterrand était très lucide. Mais c'était d'ailleurs un homme de droite, définitivement. Il a choisi de faire ce qu'il a fait par intérêt de carrière, intérêt personnel, etc. Mais il était extrêmement lucide. C'est lui qui a déclaré à un moment donné, c'était pendant sa présidence, les États-Unis sont en guerre avec la France, mais les Français ne le savent pas. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, en guerre, c'est une façon de parler, bien évidemment. Il a eu des réflexions comme celles que je venais de signaler, qui sont quand même assez intéressantes et pleines de sens. Je me souviens également qu'à la fin de sa seconde présidence, alors qu'il n'était plus rééligible, El Kabash, qui était le journaliste de télévision avec son équipe, l'ont interrogé et il lui reprochait d'avoir été au gouvernement de Vichy, l'abomination, etc., etc. Il était commissaire aux prisonniers. Et ils ont dit, mais il ne fallait pas, on brûle, pourquoi, etc., etc. Et Mitterrand a dit, mezzo voce, mais quand même d'une manière audible, à son assistant qui était avec lui, j'aurais bien voulu les y voir. ce qui était plein de sens. Et que pensez-vous justement de ce qu'a fait Jacques Chirac dès son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire de reconnaître la responsabilité de la France dans Vichy? Oui, c'est complètement idiot et c'est surtout complètement faux. Mais Chirac, je dois avouer que je n'ai pas une très haute idée, non pas de Jacques Chirac. Mais bon, politiquement, il a pensé que c'était la chose à dire. Voilà. Et quel regard portez-vous sur nos deux derniers présidents que sont Nicolas Sarkozy et François Hollande? Bon, il vaut mieux ne pas parler de ce qui nous touche de près. Et comment jugez-vous la situation de la France aujourd'hui? Je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que, comme je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, enfin, la situation interne de la France est quand même assez dramatique. Comme il y a des chiffres de chômage qu'on n'avait jamais vus en France, je ne sais combien de milliers d'entreprises ont fermé leurs portes. Nous avons quand même, il faut bien le dire, une invasion migratoire absolument invraisemblable dans un pays comme la France. Et je ne sais pas comment la situation pourrait être rétablie. Vous pensez que la France est en danger de mort ? Danger de mort, c'est peut-être trop dire. Que veut dire la mort d'un pays? On risque d'y arriver le jour où les Français deviendront minoritaires chez eux. Ce qui n'est pas absolument impossible à imaginer aujourd'hui, d'ailleurs. Enfin, bon. Vous savez, il est déjà très difficile d'écrire l'histoire. L'imaginer est encore beaucoup plus difficile. Et quel conseil donneriez-vous à la jeunesse de France qui nous écoute? Si vous pouviez prendre ce micro pour lancer un appel. Je leur demanderais d'être français, comme leurs ancêtres, et de réclamer d'être libre de penser, de parler et d'écrire. Ce qui me paraît tout de même essentiel parce que j'ai l'impression qu'une grande partie de la population, et notamment des jeunes, et qui n'ont pas connu autre chose, et sont en train de subir, si vous voulez. Ils subissent dans leur manière de penser et dans leur manière de s'exprimer. Et ça, je pense que c'est très grave. Alors, on vous dit toujours... qu'il faut être anti-nazi, anti-ceci, anti-cela, anti-raciste, et tout ça c'est très bien. Mais ça ne va pas jusqu'à la dilution de sa propre personnalité. Et c'est finalement vers cela qu'on arrive. Puisque maintenant, si vous racontez à tout le monde que vous êtes fier d'être français, parce que la France a fait ceci et cela, on vous traite de raciste. Tout de même assez invraisemblable. Alors pour l'avenir, bon, vous savez ce que disait Victor Hugo, qui disait, on parle de Napoléon, non sire, l'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu. Monsieur Pertusio, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et pour cette conversation passionnante. Mais écoutez, celui qui vous remercie, c'est moi, puisque vous m'avez donné la possibilité d'exprimer un certain nombre de choses que je sais, d'autres que je ressens, et même si parfois il m'arrive de me tromper, ce qui est possible aussi, eh bien je demande pardon à ceux qui m'écouteront. Merci beaucoup. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Tout à fait. Merci Vincent, merci Monsieur Pertusio. Merci à vous. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Valmé Casper. Son album Espoir est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter L'Entre-Saison. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.